Nous terminons maintenant notre voyage à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de l'infinité. Dernière étape de la connaissance de nous-mêmes. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les épaules détendues, et libérez les tensions de la nuque. Portez votre attention sur votre respiration. Elle est douce, profonde. Vous portez maintenant votre attention au creux de la paume de vos mains. Ressentez leur présence, leur chaleur. Elles sont tournées vers le ciel. Vous portez maintenant tout doucement votre attention au creux de la plante de vos pieds. Vous ressentez la présence de la terre et vous vous sentez en sécurité. Vous portez maintenant tout doucement votre attention au sommet de votre tête, là, vous ressentez la présence de vos cheveux, contentez-vous d'observer. En continuant à observer, élevez votre cœur, élevez vos pensées vers votre compagnon de lumière. Demandez-lui de vous aider à ouvrir votre conscience à ce centre d'énergie. Vous allez peut-être vous sentir enveloppé d'un cocon. Vous allez peut-être aussi percevoir des zones de lumière violette, mauve ou blanche. Contentez-vous d'observer. Vous gardez votre attention au sommet de votre tête. Et là, vous imaginez tout simplement qu'au sommet de votre tête se trouve une coupe. Une coupe pleine d'eau, un calice. Gardez votre attention sur cette coupe. et demandez à votre compagnon de lumière de vous aider à ouvrir votre conscience. Vous vous percevez entouré de lumière blanche, chaude, douce, vivante, qui vous enveloppe. Votre compagnon de lumière va provoquer un léger dédoublement de vos corps pour que vous soyez plus sensible aux vibrations subtiles. Cela va vous donner l'impression d'être plus large, d'être plus large que votre corps, d'être plus lourd que votre corps. Laissez-vous aller. N'arrêtez pas les images et les pensées qui vous viennent. Et vous allez commencer à ressentir petit à petit, progressivement, que cette lumière blanche qui vous enveloppe, qui vous envahit, est amour. Continuez à demander de l'aide à votre compagnon de lumière. Gardez votre attention sur cette coupe au sommet de votre tête. Ce liquide est transparent, lumineux, et il commence à déborder, à vous inonder de 1000 paillettes qui tombent sur vous en cascade. Laissez-vous faire. Laissez-vous envahir par cette sensation. Laissez-vous porter. Laissez-vous aller. Plus de temps. Plus d'espace. Lumière blanche seulement. Amour lumineux, scintillant. Paix. Calme. Relié à l'infini, prenez conscience que le sommet de votre crâne est vivant, laissant passer cette lumière blanche. Et que cela vous relie à l'univers tout entier. À tout ce qui est. Calme. sérénité, harmonie sans mélange. Douceur, laissez-vous porter. Vous sentez cette eau continuer à couler. Elle se répand autour de vous. C'est votre être qui se diffuse sans forme dans toutes les directions, libre. Observez cet être infini et vivant que vous êtes. Énergie pure, comme le vent dans les feuilles des arbres. Observez l'infinité que vous êtes. L'oiseau dans le ciel. Vous êtes vous-même tout dans l'oiseau. Le vent, le feu, la pluie qui tombe, la terre sur laquelle vous marchez, le soleil qui rayonne dans les champs, les étoiles qui brillent. Laissez cette expansion se faire. Vous voyez très loin une boule très lumineuse. Vous vous en approchez. Et vous voyez, plus vous vous approchez, qu'il s'agit d'une coupe, d'un calice, d'une matière lumineuse, vivante. Observez simplement ce calice que vous êtes. Vous vous confondez avec l'autre. Il n'y a plus ni temps, ni espace. Simplement être dans toutes les dimensions. Être dans tous les lieux. Être dans toutes les formes qui naissent, qui existent, qui meurent. Ressentez la présence de votre compagnon de lumière. Prenez conscience aussi de la présence de l'assistance, de nombreux êtres que vous ne voyez pas, invisibles mais réels. Laissez les images pénétrer, les visages s'imprimer, l'amour simplement pénétrer. Je voudrais maintenant que vous prononciez tout simplement dans votre tête, en gardant votre attention portée sur le sommet de votre crâne. Que vous prononciez le mot Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Voilà. Vous allez maintenant tout doucement revenir à votre état de conscience ordinaire, en sachant que vous êtes relié à l'infini. Quand vous le souhaiterez, vous ouvrirez les yeux, vous vous étirerez. Vous êtes là, ici et maintenant.